regard du soleil comme celui de la nuit, pour celui qui me veille au sommet du plaisir et les gars du soleil à l'abri.